port de mes rêves, la mer, une trêve. Montagne ruisselante, des Delvailles et de torrents. Il y a un voilier au ventre gonflé de vent. Tapant la vague vers une autre escale. Mais il y chante aussi les yeux de mon enfant, de tout petite main, premier matin, câlin. Des grands yeux de maman, des sourires d'enfant, une larme de bonheur sur un pétale de fleurs. Ce port, des souvenirs s'y agrippent, ravivant un chapitre que je croyais mort. Histoire d'un Pierrot fuyant sur sa lune. Un jour le paquebot pour y cacher. Mais il y chante aussi un coucher de soleil où des étalons blancs galopent vers le ciel. Crinières au vent s'envolent éperdument dans une mer d'étoiles et de lumière. Une mer d'étoiles et de lumière.